Tonight's talk is different from yesterday's and the one tomorrow. Every day we've been listening to talks on the Anatta Lakkhana Sutta by Sera. And this is like the good bread that we eat every day. Alors le Dhamma Talk d'aujourd'hui sera différent des Dhamma Talk précédents, du Dhamma Talk d'hier. Jusqu'à présent, avec Utusana, nous avons écouté des Dhamma Talks concernant l'Anatta Lakkhana Sutta. On peut comparer ça un peu au pain. On a mangé du bon pain. C'est très bien de manger du pain, ça nous nourrit, mais à un moment, on est fatigué, on a besoin d'autre chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Entre deux tranches de pain, on va mettre un peu de viande, un peu de tomate, un peu de salade, et on peut comparer en fait le Dhamma Talk d'aujourd'hui à cela. Donc on va appeler ça un Dhamma Talk sandwich. Ces feux dont parlait le Bouddha agissent à trois niveaux. D'abord, quand ces feux se manifestent à travers nos actes ou nos paroles, on parle alors du niveau grossier. Le deuxième niveau, le niveau médian, ce sont ce qu'on pourrait appeler les obsessions. Et le troisième niveau, le niveau le plus fin, ce sont les impuretés qui restent latentes, qui ne deviennent agissantes que lorsque les conditions sont présentes. Quand l'avidité n'est pas contrôlée par la moralité, qu'elle n'est pas restreinte, elle va envahir la personne qui va dès lors se mettre à transgresser les règles morales. Il va voler, il va commettre des crimes sexuels, il va mentir pour son propre bénéfice. De même, lorsqu'une personne est dominée par la colère, que cela dépasse le contrôle, il peut commencer à tuer, à torturer ou à commettre toutes sortes de cruautés. Enfin, à cause de l'ignorance, les gens peuvent aussi commettre des actes immoraux simplement parce qu'ils ne savent pas ce qui est bien et ce qui est bénéfique, ce qui est bien, ce qui est mal. Simplement par ignorance, on peut aussi commettre donc des transgressions. On peut voir dans le monde à l'extérieur, on peut voir que ces feux, donc ces kilesa, donc sont actifs, et le yogi aussi peut voir l'effet de ces kilesa sur lui-même. Il peut voir comment il se manifeste dans son esprit par la méditation, mais alors au niveau obsessif, pas au niveau nécessairement de la transgression. Avant d'atteindre l'illumination, le Bouddha donc s'était rendu compte que ces feux agissaient autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de lui-même, et il a réalisé donc la nécessité de mettre fin à ces feux. Il s'est aussi rendu compte que les feux intérieurs en fait étaient pires que les feux extérieurs, parce que si on ne parvient pas à éteindre les feux intérieurs, les feux à l'extérieur ne cesseront pas. Et à l'inverse, si on parvient à les éteindre, presque automatiquement, les feux extérieurs vont s'éteindre. Donc le Bouddha s'est mis à chercher un moyen pour éteindre ces feux. Et d'abord, quand il était encore bodhisattva, c'est-à-dire dans ses vies antérieures, il a pratiqué les paramis, c'est-à-dire les vertus, à commencer par la vertu du don, dana. Ainsi, il a pu contrôler en tout cas les transgressions les plus grossières. Enfin, dans sa dernière vie, il a pratiqué la méditation Satipatthana, et c'est ainsi qu'il a pu éteindre les kilesa, donc les transgressions au niveau médian et au niveau subtil. C'est ainsi donc qu'il a pu éteindre les 11 feux. Et parmi ces 11 feux, les trois principaux que sont raga, le désir avide, dosa, la haine, et moha, l'ignorance. Cela veut dire que, quoi qu'il expérimente par les organes des sens, que ce soit voir, entendre, goûter, toucher ou penser, il reste calme, il n'est pas agité, il n'y a aucun objet de désir, aussi attirant soit-il, qui perturbe son esprit, il n'y a aucun objet aussi méprisable, aussi affreux soit-il, qui éveille en lui la haine de ça, et il n'y a aucun objet non plus qui puisse l'agiter du fait de son ignorance. Cela veut dire qu'il avait réalisé les santa. Santa, cela veut dire quelqu'un qui est calme et pacifique. Donc il était libéré de toute agitation, et c'est cela, dans le texte que j'ai récité donc au début, c'est ça qui est expliqué dans ce texte, et j'aimerais bien maintenant expliquer davantage ce qu'était ce texte. Le Bouddha était fermement établi dans son objectif, donc qui était de se libérer, d'éteindre les feux, et il avait donc développé les paramis jusqu'au point nécessaire pour parvenir à ses fins, et quand il y était arrivé, il a donc découvert la méthode Satipatthana, qui lui a permis donc de réaliser la liberté. En mettant au point cette méthode de Satipatthana, il est d'abord parvenu à atteindre Tadanga Santi, c'est-à-dire la paix momentanée, et ceci, il l'a fait dans la première partie de sa méditation. À lui, ça n'a pris qu'un moment, pour nous, ça prend beaucoup plus de temps, mais pour lui, ça ne lui a pris qu'un moment. Qu'est-ce que c'est Tadanga Santi? C'est quand on parvient à établir la concentration de sorte que les kilesas, les impuretés, ne peuvent plus pénétrer dans l'esprit. In order to put out the internal fires. Après donc avoir réalisé Tadanga Santi, la paix momentanée, il a réalisé Ajanta Santi, la paix permanente, et c'est à ce moment-là seulement qu'il a accompli pleinement l'état donc de Santa. Il a d'abord réalisé l'état de Tadanga Santi, ce qui lui a procuré le calme de son esprit, et ensuite Ajanta Santi, la connaissance du chemin, mais c'est seulement après avoir réalisé donc la paix intérieure, le calme, qu'il s'est mis à enseigner sa méthode aux autres. Donc pour le Bouddha, il n'était plus nécessaire de revenir à l'existence, de chaque fois vieillir, être malade, mourir, connaître le chagrin, les lamentations. La vieillesse, la maladie, la mort, le chagrin, les lamentations font partie des 11 feux dont on a parlé au début. Et donc il avait éteint ces 11 feux. Et c'est seulement après cela qu'il s'est mis à enseigner. Aujourd'hui, dans le monde, dans certains grands pays, on veut promouvoir la paix avec une bombe dans la main et une branche d'olivier dans l'autre, mais ceci, ce n'est pas la voie du Bouddha. Le Bouddha a d'abord réalisé la paix en lui-même, et seulement après, il s'est mis à l'enseigner. Pour qui le Bouddha a-t-il enseigné? Il a enseigné d'abord pour les gens qui sont capables d'éteindre ces feux, et ensuite pour ceux qui ne le sont pas encore, mais le seront plus tard. Ainsi, il leur donne en quelque sorte un premier démarrage dans la pratique, un premier démarrage sur le chemin. Alors, quel était l'objectif du Bouddha? C'est ce que le passage que nous avons lu tout à l'heure relève, et c'est ce que relève en particulier le mot Samatthaya, qui veut dire éteindre les feux. Donc son objectif, c'est d'éteindre les feux et que le monde, les gens, les autres gens, les autres êtres, puissent eux aussi atteindre la paix. Il n'avait en fait aucune autre attente, il ne voulait pas devenir un grand professeur ou gagner des louanges ou un quelconque avantage matériel. Son esprit était très pur et il n'avait que cet objectif, de réaliser la paix et d'éteindre les feux. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a enseigné le Dhamma, donc la méthode, et il a enseigné avec une grande compassion et une grande connaissance, ce qui est très louable. Dans l'extrait que nous récitons tous les matins, donc le Satipatthana, Odessa, le Bouddha garantit que la pratique peut amener 7 bénéfices. Est-ce que tout le monde le sait? Est-ce que tout le monde l'a compris dans la lecture? Donc récapitulons, dans le texte qu'on lit le matin, on parle d'abord de la purification des êtres, ça fait 1, de la victoire sur le chagrin et les lamentations, ça fait 3, la fin de la douleur physique et mentale, ça fait 5, l'atteinte du noble sentier, ça fait 6, et la réalisation de Nibbana, ça fait 7. Et donc ceci, le Bouddha l'a enseigné dès le début de son enseignement, c'est un des premiers textes. Et si vous avez pu gagner un peu de paix ici pendant cette retraite, lorsque vous rentrez chez vous, ne la laissez pas ici au centre, prenez-la avec vous, prenez la pratique avec vous, et essayez donc de la mettre en application dans votre vie quotidienne. Alors personnellement, il y a plusieurs choses que j'ai trouvées utiles. D'abord, dans une section du Mahasatipatthana, le Bouddha parle des 4 postures, et c'est très utile donc de se souvenir, de prendre attention à la posture dans laquelle on se trouve, parce que dans la vie quotidienne, on est toujours dans une des 4 postures, ou presque toujours dans une des 4 postures, soit debout, assis, couché ou en marche. Par exemple, dans la vie quotidienne, régulièrement, très souvent, on doit aller d'un endroit à l'autre. Donc c'est très utile à ce moment de prendre conscience de ses jambes, de noter pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche. Ou alors, souvent, on est assis dans le bus, dans le train. On peut prendre conscience de la totalité du corps. Évidemment, on ne peut pas être tout le temps attentif, 100% du temps, mais c'est très utile de revenir régulièrement, de reprendre conscience donc de sa position. Aussi, quand on conduit, même si on doit faire attention aussi, évidemment, à ce qu'on voit et à ce qu'on entend, la position principale, c'est la position assise, donc c'est utile de revenir, d'en être conscient. De même, lorsqu'on fait la file, on est dans la position debout, on peut prendre conscience de cette position. Ou enfin, quand on est couché dans son lit, par exemple, on peut prendre conscience du va-et-vient du souffle, ou alors prendre conscience de la totalité du corps allongé. La première chose qu'on ramène à la maison, donc, c'est l'attention aux 4 postures, et la deuxième chose, c'est les 5 préceptes. Donc ici on a pris les 9 préceptes tous les jours, mais donc les 5 préceptes: ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas prendre d'intoxicants et ne pas commettre de conduite sexuelle immorale. En fait, ce sont les 5 préceptes qui nous aident à vivre avec les autres, qui rendent la vie avec les autres facile, quelle que soit la religion des gens, qu'ils soient hindous, musulmans ou quoi que ce soit. En fait, ce qui rend vraiment possible la vie en commun, ce sont les 5 préceptes. Évidemment, on pourrait se dire, si je bois, personne n'est blessé, personne n'en a aucun inconvénient. J'ai des amis qui aiment boire, donc c'est un peu comme une obligation sociale. Mais en fait, même si c'est le cas, on peut voir les effets pour soi de la boisson. Personnellement, ça m'a pris du temps de voir que les deux chemins que je pratiquais, donc la voie bouddhiste et la voie d'être un buveur social, n'étaient pas compatibles. Si on veut voir la vérité, il faut éviter les intoxicants. Ça abîme notre habilité à voir ce qui est bénéfique ou pas. En fait, on veut voir les choses telles qu'elles sont. Donc, je me suis rendu compte qu'avec la boisson, en fait, je voulais créer des expériences ou alors éviter une expérience désagréable. Mais si on veut avoir un esprit clair, il faut éviter la boisson. Alors, autre chose, un de mes professeurs, Dipama, m'a dit de faire une offrande quotidienne au Bouddha, de lui rendre hommage et de prendre les 5 préceptes. Donc c'est un conseil de mon professeur Dipama. Donc par exemple, offrir une bougie, offrir de l'eau, offrir de la nourriture au Bouddha le matin, et puis prendre les 5 préceptes. Selon elle, cela tire l'énergie de la pratique à soi, et cela aussi attire de nombreux êtres qu'on ne voit pas et qui veulent aider. Lorsqu'ils voient quelqu'un faire des offrandes au Bouddha, ils sont touchés et ils vont vouloir aider cette personne qui fait des offrandes au Bouddha. Et c'est un conseil que j'ai mis en application. Donc prendre les 5 préceptes tous les jours et faire des offrandes. Bien sûr, on va faire des erreurs, mais avec le temps, on sera de plus en plus fort et on voit les bénéfices. On commence à voir les bénéfices de la pratique pour soi. Par exemple, pour ce qui me concerne, auparavant, quand quelqu'un criait sur moi, j'avais tendance à crier aussi. Mais après quelques années, je me suis rendu compte donc que je criais moins, que j'étais plus calme. Voilà, donc ici, en fait, ce que je fais, c'est transmettre en quelque sorte ce conseil qui m'avait été donné par Dipama, et qui m'a été fort utile. Mais il y a de nombreux moyens d'amener l'attention dans la vie quotidienne. Mahasi Sayadaw conseillait aux méditants, donc après une retraite, de passer une heure, de consacrer une heure de leur journée à la méditation, de trouver un endroit calme dans la maison, même un coin, éventuellement, et de passer une heure à méditer. Si on manque de sati, on ne pourra pas se contrôler. Et on ne pourra pas éviter de faire des choses qu'il faudrait éviter de faire, et aussi on n'aura pas l'occasion de faire des choses qu'il faudrait faire, donc des bonnes choses, et on ne pourra pas non plus bénéficier des bons résultats de ces bonnes choses qu'on n'aura pas faites. Appamada, cela veut donc dire ne pas négliger de faire ce qui doit être fait et ne pas négliger de ne pas faire ce qui ne doit pas être fait. Si on laisse l'esprit aller où il veut, automatiquement on va perdre le contrôle et automatiquement les transgressions vont apparaître. Donc si on parvient à contrôler l'esprit avec sati, on ne risque pas de transgresser par des actes physiques ou verbaux. Quel que soit l'objet, tiens la garde devant ton esprit. C'est le deuxième conseil du Bouddha. Alors, le Bouddha a prononcé ce gata, donc ce vers, à une certaine occasion. Il y avait autrefois un éléphant qui était en train de brouter, et à un moment, il s'est retrouvé coincé dans un marais. Donc, cet éléphant qui s'était retrouvé dans le marais essayait donc de se dégager, mais au plus il s'agitait, au plus il bougeait, au plus il s'enfonçait. Il a d'abord essayé avec ses pattes avant, et puis avec ses pattes arrière, mais rien n'y faisait, il s'enfonçait de plus en plus, jusqu'au point où il était presque submergé et qu'il allait mourir. Le roi, quand il a entendu cet éléphant était coincé dans le marais, a demandé au dompteur d'aller là-bas et de montrer à cet éléphant, qui était un éléphant de guerre, qui était utilisé sur les champs de bataille, de montrer les régalias ou tout l'attirail de combat et de sonner, de battre le tambour de guerre. Et quand l'éléphant a donc entendu cela, il a, dans un sursaut incroyable d'énergie, il est parvenu à se dégager. Et donc c'est une métaphore en fait du type d'effort qui est nécessaire parfois dans la méditation. Le Bouddha a raconté cette histoire aux moines et il leur dit, voilà, vous êtes comme cet éléphant, vous êtes coincé dans le marais parce que vous ne connaissez pas la méthode. Il a exhorté les moines à faire de grands efforts pour se dégager, et à l'écoute de ce discours, les moines ont atteint la libération. Pour nous aussi, nous sommes un petit peu pareils à cet éléphant. Évidemment, à l'écoute de ce discours, à la fin de cette retraite, nous ne sommes pas nécessairement devenus arahats, mais au moins nous connaissons la méthode, et donc je voudrais vous encourager à pratiquer et à utiliser le même type d'effort qu'a utilisé cet éléphant pour se dégager des kilesas. So, although we may not be arahants, ready to be arahants at the end of this retreat, still we know the method. This is the method that leads to arahantship. And I want to urge you to keep on practicing. That's all.